Bonjour. Vous avez peut-être remarqué que les pauses que je prends sont de plus en plus longues. Il y a comme, si vous voulez, un transfert là, de l'énergie de la théorie dans une certaine pratique au niveau d'une certaine intégration. Et si, à un moment donné, il s'est manifesté le besoin d'exercer la parole, c'était justement pour intégrer, si vous voulez, la parole. Et puis aussi parce que il est important pour moi de voir ce qui se passait dans le milieu du supramental. Parce que depuis le décès de la mère de mon père, il n'y avait pas là, de contact avec ce milieu-là, par personne interposée jusqu'à un certain point. Mais il y a eu par après, là, au niveau du décès de mon père, un contact avec le matériel. Et étrangement, c'est ça qui m'a sorti d'une souffrance psychologique qui a duré extrêmement longtemps et qui a fini par se transférer en autre chose. Et c'est ceux là, qui ont lu Berkeley, Berkeley dit un homme qui commet un crime, un homme qui est jugé, un homme qui est pendu, ces trois hommes-là ne sont pas la même personne. Parce que l'expérience, si vous voulez, bon, sans entrer dans les détails, mais jusqu'à un certain point, là, pas au niveau philosophique, mais il disait là une certaine vérité, c'est-à-dire que la personne qui vous parle maintenant n'est pas la même personne qu'au début, qu'au, les premières vidéos. Et puis, il y avait un travail à faire en ce qui me concernait là, personnellement par rapport à ça, et aussi de voir tout simplement. Et au niveau de ce qu'il y avait à dire au public, au niveau de l'édifice public du supramental, j'ai posé ma petite brique, tout simplement. Et j'ai vu que ça, c'était une évidence qui était enregistrée dans le mémoriel, le supramental allait être récupéré par ce qu'on pourrait appeler de l'influence subjective, collective, et puis bon. Mais le phénomène est toujours purement individuel, c'est-à-dire que par rapport à la parole, et puis oui, il y a quelque chose qui est lié à l'échange à autrui, mais ça reste toujours un phénomène purement individuel. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des gens que ça fait plus de 40 ans, là, ou un peu moins, qu'ils essaient d'intégrer la parole de Bernard, l'énergie de Bernard, alors que le but était d'intégrer sa propre énergie individuelle en tant qu'individu. C'était ça, là. Puis d'atteindre la possibilité de parler par soi pour soi, d'être capable de c'est ça, intégrer la parole, si vous voulez. Puis au niveau là que chaque individualité a son propre vocabulaire et au niveau d'échange entre individualités réelles, il y a une préhension, si vous voulez, non pas de s'arrêter à la forme de ce que la personne dit, mais d'être capable d'avoir un échange au niveau de ce que la personne veut dire, c'est-à-dire de ce qu'il y a au-delà de la forme. Et le fait qu'il y a beaucoup de gens dans ce milieu-là qui essaie d'intégrer l'énergie de Bernard, la parole de Bernard, ou de Kemp, ou de peu importe, là, c'est pas ça le but, là, c'est d'intégrer votre propre énergie, d'être en contact avec vous-même, jamais en contact avec un Bernard ou un séminariste quelconque qui s'est mis à parler. Et puis, jusqu'à un certain point, je sais que ça peut avoir servi de catalyseur à certaines personnes que j'ai parlé. Et puis, ça a créé une certaine intégration chez moi, c'est-à-dire que, disons là qu'à ce niveau-là, par contre, il y a maintenant un certain ralentissement, puis que la vibration change, puis il y a de plus en plus un besoin de passer au niveau là d'une application par rapport à l'expérimental. Donc, jusqu'à un certain point, l'essentiel de ce que j'avais à dire au public, c'est fait là. Parce que ce qui est capté maintenant peut être dit en privé au niveau des échanges ou bien tout simplement, c'est de plus en plus une dédicace. ce qui est capté. Et il y a des choses que si je disais ça en public de plus en plus, là, ça créerait des chocs trop forts. Puis aussi que le supramental, étant maintenant quelque chose de récupéré par le mémoriel, sert à vendre des œufs de jade qu'on s'introduit. Il sert, il y a des gens qui parlent de travailler avec des cristaux, et puis finalement, c'est en train de redevenir du. Bon, puis il y a aussi des gens là, qui ont mis l'argent de leur retraite pour publier des livres au point de se mettre dans le pétrin. Il y en a qui ont laissé leur emploi pour se consacrer à ça. Et ça, à mes yeux, c'est de la naïveté. C'est extrêmement naïf, mais ça ne me fait pas de peine parce que il faut que ces gens-là souffrent. Ça peut sembler terrible de dire ça, mais ça, c'est leur affaire, ça les concerne, puis, mais je vois là, pourquoi. Puis, finalement, le supramental est en train est devenu, il y a toujours une récupération, si vous voulez, par des forces pour détourner. Puis, j'ai vu aussi des guerres d'ego. J'ai vu aussi de l'orgueil. Il existe de l'orgueil supramental. Et là où l'échange se doit d'être horizontal, il y a de la domination qui se manifeste. Et ça, mais le phénomène étant purement individuel, c'est pas très dérangeant. Et puis, ça a été très intéressant de constater que les avertissements qui avaient été faits par rapport à ça étaient fondés. Mais c'était l'évidence, c'est l'évidence. Mais c'est ça, là. L'important, c'est vous. Vous êtes votre propre mission. Et si vous voulez vous consacrer au supramental, vous êtes au niveau, là, de. C'est naïf, c'est dangereux, c'est. Mais peut-être que c'est à ça que certains doivent. Par ça que certains doivent passer. Et c'est correct. J'ai pas à ce niveau-là, là, mais par contre, je me censure un peu encore, là, je retourne à. C'est ça. Disons que si j'avais une petite pierre, une petite brique à mettre à l'édifice public du supramental, et puis maintenant, l'essentiel de ce que j'avais à dire. Pour autrui, si vous voulez, mais pour moi aussi, parce que ça a été un catalyseur quand même de plein de choses, ben c'est fait. Et puis, je n'ai pas l'intention de centrer ma vie sur ça. Ma vie est déjà centrée par ça, ce qui est très différent. C'est très différent. Et puis, je vois de la naïveté, puis des gens qui éventuellement vont vivre beaucoup de déceptions, entre autres. Et puis, mais je sais que le fait que j'ai parlé, ça va éviter à d'autres de parler. C'est-à-dire que il y a des gens là avec qui je discute qui avaient une profonde envie de faire des vidéos. Et puis, le fait de m'écouter, ça a brûlé certaines choses. Et puis, finalement, ils ont intégré certaines choses et ce ne sera pas nécessaire. Et c'est excellent. C'est excellent. Jamais eu l'intention de me garrocher dans le public, de faire des séminaires, de faire des conférences, de publier des livres, parce que par rapport à l'échange avec le collectif, parce que c'est important, je n'y accorde pas d'importance. Et aussi le fait que, bon, j'ai quand même, s'il y a eu des échanges d'énergie, puis ça m'a fait perdre de la masse musculaire, et, bon, j'ai pas l'intention de faire une dernière, finir par faire des conférences, faire ma dernière conférence en civière. J'ose espérer que je ne suis pas assujetti à une programmation aussi abominable. Donc, je vais prendre une pause, possiblement peut-être même de plus d'un an. Mais il reste que les contacts que j'avais à avoir, moi, ça me dit intérieurement que c'est fait. C'est certain qu'il va y avoir encore de l'échange, mais pas public. pas public. J'ai perdu de la masse musculaire, justement, puis il y a eu des échanges d'énergie par rapport au public. Et puis des fois, je sens qu'on se branche sur moi, alors que le but, c'est que ça vous branche à vous-même. Puis j'ai pas la naïveté, ni l'amour planétaire qui passe à travers de la naïveté. J'ai pas l'air d'une bonne sœur toujours. Est-ce que j'ai l'air d'un missionnaire? Non, parce que ça ne serait pas intelligent au niveau de ce milieu-là. Mais il reste quand même que ça a été d'une grande utilité pour moi. Ça m'a permis de déclencher beaucoup de choses, de voir encore plus loin. Et comme je vous dis, la personne qui parle maintenant n'est pas la même qu'au début. Il y a eu des changements, puis, mais là, il y a un ralentissement. Et au niveau de mon propre contact, si vous voulez, là, je sais que ce qui est le plus ajusté à faire, c'est de ne pas centrer ma vie sur ça. Ma vie est déjà centrée par ça. Et c'est très différent. Et je n'ai pas envie, je n'ai pas la vibration là, de me décentrer pour me recentrer, de me recentrer puis d'être décentré. Pas que ça m'affecte, cela n'a rien à voir, mais la vibration que j'avais, si vous voulez, qui me donnait le mouvement de faire ça, on me la coupe de plus en plus. Et je dois avouer que quand je le regarde comme il faut, je vois que c'est pour des bonnes raisons. C'est pour des bonnes raisons. Puis comme je vous le dis, l'important, c'est d'intégrer votre propre énergie, d'être branché à vous-même, d'être centrique. Si ça vaut pour tout processus d'individuation, c'est pareil pour moi. Et ce que j'avais à faire, l'essentiel de ce que j'avais à dire a été dit. Puis, il y a certainement eu de la pollution à travers ce que j'ai dit. Il y a certainement des choses que j'ai dites qui ne sont pas encore intégrées. Mais il reste que je ne suis pas assez naïf pour penser que je suis condamné à faire ça. Il n'en est pas question. Parce que de voir par rapport aux autres, là, d'autres personnes, entre autres, puis d'historique de certaines personnes, de voir le résultat des fois, puis à quel point, vous savez, on apprend de nos erreurs, mais des fois, de voir les erreurs des autres, ça permet de vous éviter des erreurs. C'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est l'observation active en temps réel qui est importante, et il faut, jusqu'à un certain point, voir le futur dans le présent et comprendre à un moment donné que il y a de la naïveté encore, et chez moi comme chez d'autres, mais bon, disons qu'il y a différents degrés parce qu'il y en a que ils se sont vraiment là, c'est comme des missionnaires. Puis le pire, c'est que jusqu'à un certain point, c'est du ramassage du mémorial de Bernard. Ils n'ont pas amené de nouveau tant que ça, là. Puis même quand il y a du nouveau, c'est parce que des fois, ça va être vu très loin, là, derrière la forme, là. Des fois, c'est très déformé, puis bon. Mais il reste que si ça a pu déclencher certaines choses chez certains individus, puis si ça a pu aussi vous permettre de voir d'une autre façon certains aspects, certaines choses, et puis, mais il reste que c'est la vibration que j'avais parfois qui est importante. C'est ça qui est important, pas la forme. Pas la forme. Parce que si on s'arrête à la forme, c'est rien. C'est rien. Et c'est justement parce que ce qu'il y a derrière la forme est important que je ne lui accorde aucune importance au niveau de la forme. Et c'est pour ça que j'ai quand même une capacité d'autodérision. Et puis, même certaines programmations qu'on pourrait polariser dans le négatif, comme l'orgueil, la vanité, ça a permis une certaine aisance. Mais ça s'est brûlé en même temps, dans le sens que je suis encore à l'aise, mais je n'ai plus besoin d'une certaine vanité pour ça. Je n'ai plus besoin d'une certaine vanité intellectuelle pour aller au-delà de l'intellect. Je n'ai plus besoin d'un certain orgueil pour répondre du tac au tac parce que c'est devenu assez vif, là, ça, de plus en plus. Et puis, même Berthold, là, le nom Berthold qui avait été créé il y a des années, il y a quand même assez longtemps, pour répondre à des blogs. Sur des blogs, je ne savais pas qu'un jour j'allais me lancer sur YouTube pour parler de supramental. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai lu La Genèse du réel 5 fois et puis il y a eu même des changements physiques. Il y a eu des phénomènes, il y a eu toutes sortes de choses. Et en tant qu'individu dans son expérience, ça, je peux pas me le nier à moi-même. Il s'est passé trop de choses. Et ce que j'avais à faire, ça, je ne savais pas que j'avais un travail à faire à ce niveau-là, mais j'ai fini par le faire quand même. Et là, je sais que l'essentiel est fait. Et puis, au fond, là, tout là, ce qui pourrait libérer l'être humain, tout ce qui pourrait le rendre créatif, tout ce qui pourrait lui permettre d'intégrer, d'être un catalyseur pour son évolution, tout ça tient à très, très peu de choses à avoir. C'est beaucoup plus simple que ce que les gens interprètent. Parce que ça n'a même pas de lien avec la conceptualisation psychologique. C'est beaucoup plus simple que ça. Il s'agit de voir au-delà du formel de ça, au-delà de la densification de ça, et puis d'être en intégrer les lois de cette mécanique-là qui fait que le subtil, multidimensionnellement, occupe le plan matériel. Un peu comme du liquide, de l'eau liquide à l'intérieur d'un bloc de glace, si vous voulez. Puis là, j'emploie une image un peu naïve, un peu grossière, mais c'est ça. C'est très simple. Une fois que c'est intégré, dès que c'est intégré, vous regardez, puis vous en revenez pas à quel point c'est très simple. Puis que vous vous compliquiez la vie. Vous vous compliquiez la vie par l'interprétation psychologique, intellectuelle, réflexive. De, au fond, ce que vous savez déjà, mais que l'ego a peur. L'ego, en tant que véhicule parfaitement passif, un peu encore fragile, puis bon, qui est pollué pour se protéger d'ailleurs, mais si vous sortez de la polarité, puis les intégrations deviennent extrêmement rapides, c'est-à-dire que quand la structure est prête, ça passe. Ça passe, puis c'est pas une question de choix. Je n'ai pas choisi de faire ça, mais je savais que je n'allais pas consacrer ma vie à ça, mais que ça allait quand même apporter des changements qui par la suite feraient que ça fait que ma vie est très très différente de ce qu'elle était avant au niveau de ma perception, puis de ma façon d'envisager ce monde. Mais je n'ai pas non plus à toujours me réajuster, gérer ma perception de la naïveté que je vois encore là-dedans, puis par rapport aussi à certaines dérives, à certains orgueils, à certaines dominations, à certaines... Quand je vous dis là, maintenant le supramental, il y en a qui s'en servent pour vendre du tout et du n'importe quoi. Et puis aussi des gens qui se mettent en initiation par naïveté. Ils se mettent en expérience qui sera pénible probablement parce que c'est nécessaire pour eux pour intégrer. Mais je trouve ça triste. Je trouve ça triste d'un point de vue psychologique au niveau de mon ego. Quand je regarde ça, je trouve ça abominable. C'est abominable de voir à quel point des gens se font vampirisés par leur propre subjectivité, des gens là, qui ont laissé leur emploi pour se consacrer à ça, alors qu'ils vont se mettre en expérience, qu'ils vont souffrir, qui ont dépensé énormément d'argent parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un travail à faire, Si je n'ai jamais donné de conférence ni de séminaire, puis que je n'ai pas l'intention de le faire, c'est pas non seulement parce qu'il viendrait probablement pas grand monde, mais c'est parce que j'ai pas cette naïveté-là. Ce que j'ai fait, je l'ai fait sur YouTube. Donc, ça m'a pas coûté trop cher au niveau de l'énergie. Oui, au niveau de certaines choses, oui, il y a eu un prix à payer, mais j'ai pas investi d'argent là-dedans. Puis, il n'y en est pas question non plus. Puis, j'ai jamais eu non plus l'espérance d'en faire un métier parce que cela ne peut pas être un métier. C'est impossible parce que ça va à l'encontre même des principes de ça. Le fait de comprendre la mise en expérience en se mettant en expérience et puis ça devient non, là. Mais je suis satisfait de ce qui a été fait. Je suis satisfait. Puis, je considère que l'essentiel a été dit, donc je vais possiblement prendre une pause peut-être d'un an, peut-être de plus, peut-être que je ne reparlerai plus en public. Mais la chaîne va rester là. J'ai fait plus de 100 vidéos, il y a du stock. Il y en a du stock, puis ça, c'est à vous, vous faites ce que vous voulez avec. Mais pour ce qui est de ma personne, en tant qu'individu en expérience, et puis je sais que c'est devenu contre-productif, pas au niveau que je pourrais plus apporter une certaine aide pour certaines choses, mais au niveau que c'est devenu contre-productif pour moi. Et comme je vous dis, comme tout le monde, je me dois d'être ma propre mission. Et le supramental, c'est quelque chose d'individuel. Ça ne sera jamais collectif, malgré le fait qu'il y a encore de l'esprit de meute, que ça veut créer des groupes. Puis ça, à mes yeux, c'est certain que il y a une naïveté là-dedans, une méconnaissance de la programmation animique de groupe chez l'être humain et des dynamiques que ça enclenche, et j'y vois de la naïveté. Et c'est un piège que j'ai évité. J'ai évité que j'ai quand même eu un parcours là-dedans, au niveau du public, dans le supramental, que j'ai évité beaucoup, beaucoup de pièges. Puis, c'est pas parce que je m'accorde du mérite ou quoi que ce soit, mais j'intégrais à mesure et j'évitais à mesure des choses que même la veille, des fois, je ne savais pas. Mais je savais, mais que je ne connaissais pas. Mais ça s'actualisait dans l'expérience, dans de la connaissance. Mais maintenant, comme je vous dis, il y a eu des échanges d'énergie, c'est certain, puis ça a eu un certain effet, puis, parce que même n'ayant pas de stress de lié à ça, j'ai perdu de la masse musculaire. Puis, par exemple, il y a certains phénomènes qui se sont amplifiés, puis comme je vous dis, puis était bon. Mais là, je considère que l'essentiel est fait, puis je n'ai pas l'intention de devenir un Bernard ou un Daniel Kemp ou non. Ce que j'ai fait, c'est en gros pour ma propre intégration. Je ne suis pas mandaté, je ne suis pas missionné, puis je ne suis pas non plus dans l'amour planétaire polarisé, involutif, animique humain. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas de respect. Mais mon respect va aux individus. Et s'il y a un respect pour des collectifs, c'est en tant qu'addition d'individus réels. Parce que tout ce qui est des mouvements liés à l'esprit de meute, ça, j'ai un mépris total et c'est pour des raisons de ce qui est vu et d'une observation de certaines mécaniques. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait, c'est dans l'essentiel. Peut-être je vais certainement revenir, la chaîne va rester ouverte, mais maintenant, j'entre dans une autre phase et elle ne sera pas publique. Ça ne peut pas être public. Ce que j'avais à faire de public à mes yeux est fait. Donc, je vous remercie d'avoir été là, sincèrement. Et puis, je vous dis au revoir.